À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, la délégation de l'Association des hommes d'affaires coréens en Chine, conduite par le doyen de la présidence, Park Sung-yong, est arrivée le 16 par train à Pyongyang. La précédée, la délégation de l'Association d'échanges économiques et culturels des Coréens de la ville de Dandong de Chine, conduite par son président Kim Tae-myung.